trouvé comme un billard à queue avec des lignes blanches où il va y avoir du feu. On entend le public, l'arbitre a sifflé et nous les supporters, on commence à chanter. Go, go, go, go, go, go. Allez les loups, vous êtes les plus tôt. Allez les loups, marquez des goals. Allez les loups, pas de pitié. Allez les loups, vous l'avez mérité. Allez les loups, vous êtes les plus tôt. Allez les loups, marquez des goals. Allez les loups, pas de pitié. Allez les loups, vous l'avez mérité. Allez les loups, vous l'avez mérité. Les loups, les loups, les loups, les loups, les loups, les loups. Ils ont dans leur godasse des fusées vert et blanc. Et quand ils se déplacent, c'est comme des coups de vent. Il n'y a pas d'adversaire qui puisse les épuiser. Et nous les supporters, on continue à chanter. Go!